Chapitre 5e, l'enquête de l'inspecteur Paul Bar. Le lendemain, Paul Bar fut repris par le courant de ses affaires. Deux enquêtes réclamaient ses soins immédiats. La disparition de la bague historique de la comtesse de Plassans et l'assassinat du poète Jacques Ternier tué en pleine fête par un assassin invisible. Il lui confia la suite immédiate de l'enquête à son collaborateur Denizet. Celui-ci, au fond, était enchanté de cette décision. Il avait sur le cœur le doute manifesté par Lambert sur les conclusions de son information. Mais ce fut avec son habituelle conscience qu'il entreprit la continuation et peut-être la fin de son instruction. Paul Bar lui avait donné pour mission de surveiller Jeannine, de la revoir et au besoin, au cas où il semblerait qu'elle pût à nouveau disparaître, d'avoir avec elle un entretien, de sonder ses sentiments. Paul Bar regrettait de ne pas effectuer lui-même ses démarches. Mais il lui fallait achever les affaires urgentes qui lui étaient officiellement confiées. Il devait être le lendemain à la reconstitution de l'assassinat de Jacques Ternier avec le parquet de Troyes. Denizet tremblait de laisser échapper Jeannine. Que dirait Paul Bar, son patron? Et puis, il brûlait de la voir pour tirer lui-même l'affaire au clair. Il se rendit donc, dès le départ de Paul Bar, au domicile de Jeannine et de Robert Donatien. Jeannine était là. Ce fut elle qui le reçut. Dès qu'elle vit cet étranger qui la demandait, elle parut inquiète. Denizet se nomma et énonça sa qualité. La jeune fille manqua de défaillir lorsque Denizet lui dit « Inspecteur de police ». Il ajouta d'ailleurs aussitôt « Ne redoutez rien, mademoiselle, je suis le mandataire de Bernard Lambert. Je n'ai aucun droit de vous poser des questions indiscrètes. Vous ne me répondrez que si vous le voulez bien. Vous êtes libre ». Et il lui dit, dans le style administratif qui lui était propre, l'émotion, le chagrin, la douleur de Bernard. « Voulez-vous consentir à revenir à lui? Il vous attend. » Jeannine s'était remise déjà de son émoi, mais son visage restait triste et défait. « Que Bernard m'excuse du mal que je lui fais. Qu'il m'oublie, je ne le reverrai pas. Puis-je au moins lui rapporter les raisons de votre refus? Je ne peux pas lui donner ces raisons. Je vous répète que je n'ai pas le droit de les exiger. » « Pouvez-vous seulement me dire si vous n'avez pas noué de nouvelles relations ou décidé de nouvelles fiançailles avec Robert Donatien, dont vous partagez l'habitation ?» La jeune fille demeura un long moment interdite. Elle essaya d'affermir sa voix pour répondre « Je ne veux, je ne peux rien vous dire. M'autorisez-vous à faire connaître votre adresse présente à Bernard Lambert ? Oh, monsieur, je vous en conjure. Ne lui dites pas le lieu de ma résidence. Je vous le répète, monsieur, qu'il m'oublie. » Qu'il n'y ait plus pour lui de Jeannine. Je n'insiste pas, mademoiselle, il ne me reste qu'à me retirer. » Et il pensa qu'il devait mettre Bernard au courant de cette conversation et de ce refus. C'était pour lui la conclusion nécessaire et logique de l'enquête. Le patron, pensa-t-il, trouvera cette affaire terminée à son retour. En somme, nous ne pouvons pas mieux faire. Ainsi, et dans ses dispositions, se présenta-t-il chez Bernard. Celui-ci attendait toujours des nouvelles avec angoisse. Ce fut une déception pour lui quand il vit Denise alors qu'il espérait Paul Bar. « Vous avez vu Jeannine? Vous lui avez parlé ?»« J'ai vu Mademoiselle Durand. J'ai eu avec elle un assez long entretien. »« Alors elle va revenir, n'est-ce pas ?» demanda Bernard fébrilement. L'inspecteur eut un geste évasif. « Monsieur, préparez-vous à avoir du courage. Je vous dois la vérité. Mademoiselle Jeannine, rassurez-vous au moins sur ce point, est en bonne santé. Elle paraît affligée de vous savoir malheureux, mais elle reste inébranlable dans sa décision. Quelle décision ? Halta Bernard, de ne pas vous revoir. Qu'il m'oublie, m'a-t-elle dit. Pour lui, il n'y a plus de Jeannine. C'est affreux. Vous ne lui avez pas dit ma détresse, mon désespoir. Je n'y ai pas manqué. C'était le moyen d'obtenir des renseignements, et c'est aussi le but de ma mission. Mais Mademoiselle Jeannine, après avoir manifesté de l'affliction sur votre sort, m'a répondu avec une grande fermeté qu'elle refusait de vous voir, qu'elle considérait vos projets matrimoniaux comme rompus, qu'elle s'excusait de la peine qu'elle vous causait, mais qu'elle ne vous reverrait plus. « Mon Dieu, est-ce possible ? » s'écria Bernard en s'effondrant. « Non, ce n'est pas possible !» fit une voix vibrante et claire, et Paul Bar, qui venait d'entrer en tenue de voyage et tout poudreux en cours de la route, alla serrer la main de l'ingénieur. Il avait fait d'une traite le voyage de retour de Troyes, redoutant la gaffe, comme il disait, qu'il prévoyait, de la part de son collègue et subordonné. « Ne vous frappez pas, je vais voir cela. » Et il partit d'un trait, entraînant avec lui Denizet. « Patron, disait celui-ci affolé, je vous assure, fichez-moi la paix. » lui jeta Paul Barre avec humeur, et comme l'autre demeurait au pantois, Paul Barre eut pitié de lui. « Vous êtes un garçon dévoué, mon vieux. Mais le métier de policier ne tient pas tout entier dans des règles administratives. Il ne suffit pas de savoir lire dans des circulaires. Il faut aussi savoir lire dans les cœurs. Dans les cœurs ?» répétait Denizet encore tout ahuri de l'algarade. « Mais oui, mon cher, de notre profession, il faut de la psychologie. » « De la psy... psycho, comme vous dites ?» faisait l'inspecteur très perplexe et se grattant la tête. Mais déjà Paul Barre l'avait quitté et avait pris le volant de sa voiture qu'il lançait éperdument sur la chaussée. « Pourvu, pensait-il, qu'il ne soit pas trop tard, et que la démarche de cet imbécile n'ait pas provoqué le départ de Jeannine. C'est cela qui serait un sale coup. » Quelques minutes plus tard, il était rue Greneta, au domicile de Robert Donatien. Mais ce ne fut pas lui qu'il demanda à la concierge. « Mademoiselle Jeannine, elle est en haut. Dépêchez-vous, je crois qu'elle fait ses mal. Bon, ça va, merci. » Il sonna. La porte s'entr'ouvrit. Il entra d'autorité. Il franchit, repoussant Jeannine devant lui sans rudesse, mais avec une douce fermeté, une petite antichambre. Il pénétra dans une salle à manger très simple. Des portes s'ouvraient sur cette pièce. Après un rapide regard sur la disposition des lieux, Paul Barre fit avec une familière cordialité « Bonjour, mademoiselle Jeannine !» et s'asseyant sans façon devant la jeune fille interdite « Vraiment, n'aimez-vous plus, monsieur Bernard ?» À cette question, tout de suite, Jeannine se troubla. Paul Barre se mit à rire. « Allons, lui dit-il, c'est bien. Je sais ce que je voulais savoir. » Et la fixant bien dans les yeux, « Mademoiselle Jeannine, vous aimez Bernard. Vous l'aimez de toute votre âme. Si je n'étais que l'inspecteur de police que je suis, j'irais dire à Bernard Lambert, c'est fini. Votre fiancé ne vous aime plus. Ou bien je me tournerai vers vous et je vous ferai de la morale. C'est indigne de vous, mademoiselle, d'abandonner votre fiancé, de reprendre votre parole pour en épouser un autre. Oui, mais je ne suis pas qu'un inspecteur de police. Je suis un homme qui comprend les choses, du moins je l'espère. Et je suis un ami de ce pauvre Lambert. Alors je vais aller le voir et je vais lui dire. Mademoiselle Jeannine vous aime toujours. Par conséquent, je n'ai pas une seconde, maintenant que j'ai vu briller une flamme dans vos beaux yeux, l'idée que vous pourriez épouser monsieur Robert Donatien. Je ne prétends pas tout expliquer de votre affaire. Mais j'y vois clair tout de même pour le principal. Bernard et vous vous aimez et le mariage ne va pas tarder. Venez. Je ne veux pas revoir Bernard. Oui, mais vous ne me dites pas que vous ne l'aimez plus. Elle baissa la tête. Je ne partirai pas de chez vous sans avoir vu monsieur Donatien. Non, non, non, vous ne le verrez pas. Si, il le faut. Dites-vous bien que je suis votre ami. Monsieur Donatien est-il ici? S'il n'y est pas, je l'attendrai. Tenez. « Je lis dans votre cœur et dans votre pensée parce que votre pensée vient du cœur. Je sais ce que vous voulez faire. Quitter ce logement tout à l'heure, chercher un autre refuge, cacher ailleurs votre secret. Car vous êtes désespérée, ma pauvre enfant, de ne pas consoler Bernard, de ne pas lui dire « Je t'aime comme avant, je t'aime pour toujours. »